na pona lelaka Ola si osala sonye Ola si fololo nanga Oyo na lona na motema Libala ya nzambe na bomba sekele Oh, ola si somo na bato Ola si e solo na soki Zambe na kobanza ba soufranse le kangai Ola si tovandi na yo tomo na bampasi Ola si e to banana bolozi Nalela kayo tango iso chouchou Libala motino na mi pesie Na mino na koseke Oh, moteme tani makanisi Bolingo esilite Zambe ya kobatela Ola sina emeyo Longo langa ina pasi ya bolingo Posula jenga motema Ola sina emeyo Longo langa ina pasi ya bolingo Posula jenga motema Olenge la bolingo na bisoko Zela na mino na koseke Omoteme tandi makanisi Bolingo esilite zame ako batela Ola sina emeyo longo langai Na pasi ya bolingo Posula jenga motema Sina emeo longo langai na pasi ya bolingo posula jenga motema Thank you. oyo na bunga te mama otikanga ina bwale eme ipesanga ni poma mwana mama na posana te alilanga ina nanie mama natuna pena nanie eme kusalanga boyetengo yambi na langwela mu Tonzol, en t'enterrant dans mes souvenirs, je prendrai soin de te célébrer de temps en temps une messe de requiem. J'aurai du moins ce sursaut de joie en des cruelles souffrances de n'avoir pas renié les décrets du saint. On a eu l'outoé, la la nuit chérie. On a eu l'outoé, on a la zoki porta ya sougaé. On a la pina bolingo, on a eu l'outoé. Okay. Chérie, oh yo ma